matin, résurrection divin. Ne me dites pas que vous ne saviez pas à la fin. À bout souffle, l'enfant du chemin, Despo. Osgore, à bout souffle, Roots. Je peux pas te raconter de la merde, négro. C'est mort, j'ai là. Je gratte le moins teubé possible à tailler. Je peux pas te raconter de la merde, négro. C'est mort, j'ai là. Je gratte le moins teubé possible à tailler. Je peux pas te raconter de la merde, négro. C'est mort, j'ai là. Je gratte le moins teubé possible à tailler. J'ai passé l'âge, t'es marre. Y'a du foutage de gueule aux assises. Y'a les places de facho dans le monde du taf qui s'élargit. Y'a sûrement ton bled qui se fait dépouiller par l'Occident à l'heure qu'il est. Nique pas toutes tes heures de stud à baratiner que t'es un dealer. Ok. J'suis pas un enfant de cœur, juste un nègre en France, pas un motherfucker. J'aime bien rimer quand c'est pas dans le vent, j'ai des trucs à dire. Chirac, j'suis là pour le contredire. J'ai perdu mon pote Colama dans une voiture en feu. Si j'peux te ralentir, cousin, je le fais. Et si t'es pas les steaks, t'auras pas l'eau, ta flamme, tes gueules en plastique. Les gens ils s'en battent les steaks. Pas d'animal pensant, mais des âmes repenties. En silence on agit, au quotidien on construit. À quoi sert l'artiste, à l'attention du pouvoir. La peine s'achète pas, mais se mérite, on garde espoir. Pas d'animal pensant, mais des âmes repenties. En silence on agit, au quotidien on construit. À quoi sert l'artiste, à l'attention du pouvoir. La peine s'achète pas, mais se mérite, on garde espoir. Partage la France pour qu'elle soit contrôlable. Différentes communautés, à chacune son programme. Si tu rames vraiment, écris-moi les larmes du monde. Qu'est-ce tu crois que je vais faire quand des MC dansent sur les ondes? Faut se laisser vivre, hein. C'est tellement facile et laisser faire pour pourrir zinzin avec toujours les pieds sur terre. Ils veulent ôter l'espoir de mon cœur. Déchéance dans la ville qu'ils organisent pour faire tranquillement leur peur. Si tu rappais vraiment, la sincérité transpire dans les tirs de celui qui la vérité veut dire. Y'a pas de stratégie, en silence les gens savent, mais savent pas comment agir. Pour concrétiser ce qu'ils savent, sois brave. Ne laisse pas les gens tourner la tête. La vérité est claire et ton âme doit trouver la paix proche de soi-même. Combien scrutent leur intérieur. On a tous des fautes qu'on peut racheter grâce à l'extérieur. Pas d'animal pensant, mais des âmes repenties. En silence on agit, au quotidien on construit. À quoi sert l'artiste, à l'attention du pouvoir. La peine s'achète pas, mais se mérite, on garde espoir. Pas d'animal pensant, mais des âmes repenties. En silence on agit, au quotidien on construit. À quoi sert l'artiste, à l'attention du pouvoir. La peine s'achète pas, mais se mérite, on garde espoir. À cette heure-ci, y'a un petit peu qui m'écoute, mon pote. J'peux pas lui faire croire qu'il peut chercher du taf avec un style hip-hop. J'suis la daronne à personne, non. Je réfléchis un minimum. La bouche peut faire plus de dégâts qu'un bouche-là. Trace nos destinées, en creusant nos propres sillons. Trop de cibles, assez de ciment pour faire de nous des champions. Trop de centimes, pas assez de sentiments. Fierté, faire tes preuves qu'à toi-même en attendant la muerte. Pas d'animal pensant, mais des âmes repenties. En silence on agit, au quotidien on construit. À quoi sert l'artiste, à l'attention du pouvoir. La peine s'achète pas, mais se mérite, on garde espoir. Pas d'animal pensant, mais des âmes repenties. En silence on agit, au quotidien on construit. À quoi sert l'artiste, à l'attention du pouvoir. La peine s'achète pas, mais se mérite, on garde espoir. Pas d'animal pensant, mais des âmes repenties. Et ma tombe concerne, Marc, Tyran, Osgore, Najib. T'auras des clés, ma gueule.